Célestin Jamène, c'est vrai, Bertrand Tatinda vient de le démontrer, en quelques mots simplement, la colonisation a déstructuré complètement l'Afrique, a notamment pillé ses ressources, mais j'ai quand même envie de poser la question, quid de l'Amérique latine et de l'Asie qui ont aussi été colonisées? Colonie, Comment ont-ils fait pour avoir le développement, le niveau de développement qui est le leur aujourd'hui? Parce que est-ce que l'Africain n'a pas une part de responsabilité? bien, avant de répondre à cette question, mon cher Fred, j'aimerais déjà rappeler à mon ami l'honorable Samuel Mott, sur ce plateau, que il faut arrêter de faire la polémique pour la polémique. Je crois que M. Canto n'a Ah pas le... d'accord. Permettez 2 secondes, c'est important dans un Vas-y, livre. vas-y. M. Canto n'a pas le monopole de la sécession n'est pas une option. C'est une phrase simple. Sécession n'est pas envisageable au Cameroun. Tout à fait. Ce n'est pas le monopole de M. Canto. Donc arrêtons de faire. J'ai tout simplement dit que c'était une Arrêtons, réaction à minima. permettez. Arrêtons de faire des faux débats. Vous comprenez? J'ai dit et je redis ici que je ne veux pas personnaliser ce débat qui est un débat national, qui est au-delà des chapelles politiques. Arrêtons de tout ramener à un homme. Il y en a marre quand même. Donc je crois que c'est simple. Personne, aucun homme politique sérieux, aucun patriote camerounais ne peut accepter l'idée même de faire le séparatisme et la sécession. Ceci étant dit, maintenant sur, effectivement, sur la colonisation, écoutez, Fred Bongo, je ne peux pas vous dominer si vous n'acceptez pas la domination. Elle est d'abord mentale, la domination. Je ne peux pas vouloir prendre le dessus sur vous si vous ne l'acceptez pas. Votre esprit, vous l'avez. Il y a un célèbre nationaliste africain qui disait, panafricain d'ailleurs, Jomo Kenyatta, qui disait en termes de boutade, c'est pas, les Africains ont été colonisés parce qu'ils sont colonisables. Ça peut faire sourire. Mais ça veut dire que tout commence par l'esprit. Les Européens qui venaient, les Blancs qui venaient, ils se mettaient en bordure de côte. Ils n'entraient pas dans le village. Ce sont les Noirs eux-mêmes. Ce n'est pas pour créer la division, les polémiques stériles. Ce sont les chefs africains eux-mêmes qui allaient dans des maisons, dans des forêts pour attraper leurs frères, moyennant une monnaie de singe, pour les livrer aux Européens qui les acheminaient vers les États-Unis, la Réunion, etc., et l'Europe. Voilà dans le cœur de la colonisation. Elle est spirituelle. Pourquoi, depuis l'esclavage, avons-nous accepté l'esclavage? Pourquoi avons-nous accepté la colonisation? C'est dans l'esprit. Quand on parle des termes de l'échange et tout ça. Mais écoutez, comment voulez-vous qu'un fournisseur subisse un prix imposé par l'acheteur? Bien sûr, l'économie, c'est l'offre et la demande, je suis d'accord. Mais quand même, à ce point-là, depuis toujours, ce sont les colons, enfin les anciens colons, qui nous imposent le prix des matières premières. Ce n'est pas acceptable. Non. Et il y a quand même, Et hein, même les cultures de et rente. même les cultures de rente. Non. Vous devez Je veux dire cultiver que ceci, vous on devez n'est quand même cultiver. pas obligé. Il y a plusieurs chefs d'État. Il y a 54 pays africains. On n'est pas obligé. Tout à l'heure, je crois que c'est le président Bandakané qui parlait de l'écho dans la classe politique française, les hommes politiques qui ont fait écho, qui ont fait chorus derrière Macron, quand il était attaqué par M. Erdogan. Je crois que les chefs d'État africains sont en mesure de faire chorus sur les valeurs essentielles de l'Afrique. L'Afrique ne doit plus, ne peut plus se laisser dominer par les Européens. D'ailleurs, ils n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique s'industrialise. Parce que la prospérité vient d'abord par l'industrie. Regardez un peu l'Afrique globale. Prenons le cas du Cameroun. Citez-moi, sur les 8 universités d'État, combien d'universités comportent des bibliothèques? Combien ont-elles de laboratoires de recherche? L'industrialisation, Fred Bongo, passe par la recherche. Si vous n'êtes pas focalisé en matière technologique, en matière industrielle, sur la recherche, c'est-à-dire que si vos étudiants ne sont pas dans le laboratoire, vous dépendrez toujours des importations. Oui, pardon, juste pour mettre un peu d'eau dans votre moulin, il y a un penseur célèbre qui a d'ailleurs dit que si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans le Dans les livre. bouquins, effectivement. Donc c'est pour dire que tout se passe dans la matière grise. Nous acceptons encore aujourd'hui, d'ailleurs je rappelle au passage que sur le plan juridique, c'est vrai qu'on a eu la tutelle et le mandat, mais en vérité on a été colonisés. Parce que les Français, comme les Britanniques, se comportaient comme des colons. C'est comme ça qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'on parle en Afrique francophone et d'ailleurs anglophone de pays colonisés. C'était vraiment la colonie. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, les Africains, et nous sommes ici Afrimédia, pour contribuer à cette déconstruction de ce que les Occidentaux ont bien voulu nous imposer. C'est-à-dire que nous devons faire comprendre à nos frères et sœurs africains panafricanistes que nous sommes capables, que nous pouvons. Toute leur vie, toute l'existence, les Européens ont voulu nous faire croire que l'homme noir est derrière, est en dessous. Attendez qu'on vous apporte. Et finalement, regardez les immigrations, les migrations. L'Africain pense que l'Eldorado, c'est ailleurs. Il faut acheter des visas à 1 million, à 4 000 euros pour envoyer son gamin à l'étranger. Parce qu'on est convaincu qu'on n'a pas de bonnes écoles ici. On a un rhume, on va en France, à Washington, à Londres se soigner. Parce qu'on est convaincu, malgré les appellations un peu pompeuses, hôpital de machin, parce qu'on n'a pas d'hôpitaux dignes de ce nom en Afrique. Alors, que faut-il? C'est d'abord la mentalité. Écoutez, moi je pense qu'on peut s'habiller en costume, mais penser comme un Africain. Il y a les Européens qui venaient s'habiller en boubou. Les Indiens le font, les Chinois. Mais un Européen qui vient s'habiller en boubou ne pense pas forcément comme vous. Ça peut être une apparence. Regardez un peu, les Singapouriens, les Hongkongais s'habillent aussi en veste et cravate. Ils ne pensent pas comme les Anglais. D'ailleurs, ils sont développés, ils n'ont pas besoin de la Grande-Bretagne pour être eux-mêmes. Donc ça, c'est un faux débat. Vous comprenez? Tout se passe dans la tête. Vous avez des rois, des chefs traditionnels, qui sont habillés, bien sûr, en tenue traditionnelle, mais qui ont des comportements un peu extra-africains. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que tout doit se passer dans les mentalités. Nous, Africains, nous devons d'abord commencer par nous décoloniser l'esprit. Bob Marley disait quoi? Emancipate yourself from mental slavery. La vraie colonisation, Frédéric Bongo, elle est d'abord mentale. Le vrai esclavage, pour ceux qui ont regardé le film Docteur Jivago, elle est d'abord mentale. Si vous acceptez la prison, vous l'acceptez d'abord en esprit. Pourquoi? On me relaie les discours de M. Maurice Macron, mais je n'ai rien à foutre de ce qu'il pense de moi, Africain. Emmanuel. Emmanuel Macron, pardon, merci, honorable. Je n'ai rien à faire de ce que Macron pense de moi. Je n'ai rien à faire des plans que l'Occident pense de nous. J'ai à voir mes capacités en tant qu'Africain à vouloir contourner leur macabre plan qu'ils ont toujours eu depuis 600 ans et de s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a chez l'Africain à toujours se délecter des discours des autres? Je veux dire que, est-ce qu'on a besoin d'être aimé? Pourquoi l'Africain a-t-il besoin d'être plus aimé que les autres? J'ai pas besoin quand même en tant qu'Africain. J'ai besoin d'éduquer mes enfants à être un homme debout. Je n'ai pas besoin de savoir ce que Macron pense du nègre, de l'Africain. Ça, c'est son problème là-bas. Mon problème en tant qu'Africain, c'est de mettre en place des techniques qui feront que demain, militairement, technologiquement, commercialement, diplomatiquement, l'Afrique parle. Regardez le Conseil de sécurité. Tous les pays permanents du Conseil de sécurité, ce sont les pays vainqueurs de la guerre. Ils s'imposent par leur armement, parce que c'est les puissances militaires. L'Afrique a besoin de se dépatouiller de trois leviers, trois gangrènes. D'abord, l'indépendance économique. Ça suppose qu'on mette en place les moyens qui nous permettent de développer notre industrie. Pas seulement l'industrie de rente, c'est-à-dire que la matière, la culture de rente qui permet aux Occidentaux de nous imposer leur prix, ça suppose au préalable qu'on puisse mettre dans nos universités des pôles d'excellence qui permettront à nos étudiants de travailler, de rechercher, de créer, d'inventer ce qui pourrait demain nous rapporter de l'argent et avoir une puissance telle que nous pourrions nous-mêmes imposer nos prix. Deuxièmement, sur le plan diplomatique, il faut arrêter de se faire arc-bouter, de se faire épauler par la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. L'Afrique a aussi le droit d'être un membre permanent, en tout cas l'un des pays africains, d'être un membre permanent, eu égard à l'apport qu'elle a fait à l'Occident, notamment en ce qui concerne la France, pour les dépasser, pour les dépatouiller de l'Allemagne nazie. L'Afrique est en droit de réclamer aussi d'avoir une place au Conseil de sécurité, voire même deux places. Donc ça dépend de nous. Ça ne dépend pas d'Emmanuel Macron. Ça dépend de notre capacité à nous unir et à faire front pour imposer. Parce que moi aussi, je peux chaque jour dénoncer le néocolonialisme. À un moment donné, il faut dépasser ce stade. Et de se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et tout à l'heure, j'ai entendu parler ici sur le plateau, je crois que c'est l'honorable Mamoud qui l'a dit, la démographie. Certes, la démographie n'est pas est un élément qui peut contribuer à expliquer l'émergence économique. Mais ce n'est pas automatique. Regardez la Suisse, regardez Luxembourg, regardez tous ces petits pays, la Belgique, dont le budget est trois fois plus élevé que celui de la RDC. Non. La RDC qui rassemble, en termes de population et de superficie, peut-être 5-6 fois la Belgique. Comprenez? Donc, ce n'est pas une question de démographie, c'est une question de capacité à créer. et de se faire, comment dirais-je, de créer de la prospérité. On ne peut pas simplement dire qu'il suffit d'être nombreux. Si on est nombreux et bête, si on a des troupes et pas d'idées, ben vous n'avez rien du tout. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être pas forcément très nombreux, mais d'avoir de la matière grise qui nous permettra d'être aussi quelqu'un, des gens ou des entités présents et forts dans le concert des nations. La démographie n'est pas un critère absolu, n'est même pas un critère central du tout. L'Africain doit développer les matières qui lui permettront demain de parler haut et fort au niveau des concerts, au niveau de la scène mondiale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, on peut le regretter. Aujourd'hui, par exemple, sur le plan de l'armement, les pays européens, les pays américains, écoutez, ils sont quand même des pays producteurs d'armes. Et leur but maintenant, c'est d'étouffer l'Afrique, n'est-ce pas, à pouvoir s'élever un jour, parce qu'elle crée des foyers de guerre. Les foyers de guerre nous obligent simplement à rechercher la paix. Pendant ce temps-là, ils continuent à se développer, alors que nous aurions pu, si nous étions en paix permanente, de réfléchir, de créer aussi. Et ils viendront, comme des sapeurs-pompiers, n'est-ce pas, essayer, sapeurs-pompiers purement, c'est le cas de dire, d'éteindre le feu qu'ils ont mis. Donc c'est ça le piège. L'Africain doit réfléchir davantage que ça. Il faut arrêter de se lamenter de ce qui nous arrive depuis 600 ans. Ça ne nous apporte rien. La preuve que si nous sommes aujourd'hui encore, aujourd'hui dépendants de beaucoup de pays européens, nous sommes là à consommer. Sur l'ensemble du PNB africain, nous n'avons que 17% de revenus de toutes nos matières premières qui nous reviennent. Parce qu'ils ont mis en place des mécanismes pour abrutir les Africains, pour ponctionner leurs richesses. On a par exemple, dans le domaine du pétrole, aucune société africaine qui extrait de pétrole. C'est toujours pour eux. Ils vont reverser peut-être 20 à 35% aux pays africains pour les plus appréciés, mais le reste, ça va dans les caisses européennes. Donc il faut arrêter avec ça. La mentalité est la pierre angulaire de ce qui nous arrive. Parce que si nous commençons toujours, si nous continuons à toujours vouloir pérorer au discours que tiennent les Occidentaux sur nous, on s'en sortira jamais. D'accord. Il faut donc rappeler que l'éducation qu'on est ici en train de faire, c'est pour dire que l'Africain a été illusionné pendant des siècles en leur faisant croire que c'était des sous-hommes, nous sommes des hommes capables de produire, capables d'exporter, capables de transformer nos matières premières. Okay. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est bien compris, c'est le Saint-Germain. Honorable Samuel Maud, évidemment, vous avez été titillé, vous voulez certainement apporter quelques précisions. Non, nous sommes d'accord au moins sur un constat. Oui. On ne vous colonise pas pour votre bien, ni pour votre confort. Maintenant, mon propos c'est une question de rapport de force. C'est un problème de rapport de force. Et le problème, c'est la première chose que je voulais souligner, c'est qu'il y a eu ce rapport de force là qui nous a été défavorable parce que le milieu, à un moment donné, notre environnement nous a poussé un peu de la paresse, utilisant le bon mot. C'est-à-dire que pendant que les autres utilisaient la science comme étant un élément de conquête, et pourtant la science elle est née en Afrique, nous étions là également à pouvoir nous continuer à admirer le soleil parce qu'effectivement, on ne voyait pas l'intérêt de faire quoi que ce soit autour de nous qui puisse nous amener à changer notre environnement. Et la mentalité dont il parle, Célestin Diamène, effectivement, il ne nous a pas nécessairement imposé, il nous a également imposé par ce milieu-là. C'est à nous maintenant d'utiliser des éléments de cette connaissance-là pour pouvoir dire qu'est-ce que nous devenons demain, sur quel levier nous appuyons également pour pouvoir dessiner nous-mêmes notre environnement. Et il y a quand même un certain nombre d'évolutions qui se passent dans notre société également que nous devons saluer. Autant, dans les années 80, on mettait un président de la République par le toit, on faisait sortir l'autre par la fenêtre. Autant aujourd'hui, vous voyez très bien que l'adversité fait... Ça commence à être difficile. C'est très difficile. Y compris d'ailleurs, même vis-à-vis de l'opinion européenne, même vis-à-vis de l'opinion occidentale. À l'époque, c'était tout à fait admis que, effectivement, que Chirac ou Giscard d'Estaing, du haut de l'Élysée, là-bas, ils pouvaient dire que certaines personnes. Aujourd'hui, vous voyez très bien qu'il y a un certain nombre de présidents africains qui s'arc-boutent pour pouvoir dire nous ne pouvons pas accepter telle ou telle chose. Notre rôle également, c'est de dire aujourd'hui, quoi qu'on fasse, nous avons été colonisés. Quoi qu'on fasse, cette colonisation-là, ça s'est faite à notre détriment. Quoi qu'on fasse, c'est un fait que nous avons perdu beaucoup de temps et beaucoup de ressources dans le cadre de cette colonisation. Ce que je voudrais souligner en ce qui me concerne, ce qui est plus important, c'est ce que nous faisons demain. Et dans ce que nous faisons demain, effectivement, il faut faire l'inventaire de ce que nous traînons encore aujourd'hui comme étant un lourd fardeau et un passif. Et parmi ce passif-là, même si Célestin Diamène n'est pas d'accord avec moi, la balkanisation de l'Afrique, si nous ne prenons pas conscience de ce que c'est un frein au développement, on ne fera pas grand-chose. Attendez, parmi les pays qui se développent aujourd'hui en Afrique, à une vitesse assez remarquable, il y a par exemple le Nigeria. Je note quand même que le Nigeria est l'un des pays les plus peuplés en Afrique, sur le continent aujourd'hui. La deuxième chose également, l'Asie, quoi qu'il ne soit pas d'accord avec moi, l'Asie a une dynamique démographique qui fait qu'à un moment donné, ne serait-ce que parce qu'ils sont des consommateurs, on est bien obligé à un moment donné de les courtiser. Troisième chose également que je voudrais souligner, quand vous voyez le développement industriel des pays européens qui a démarré par la Grande-Bretagne, on admettait à cette période que l'on puisse faire travailler des enfants de 6 ans dans les usines, que l'on puisse faire travailler des manœuvres 24 heures sur 24 dans les usines. Aujourd'hui, un lourd fardeau également que nous traînons de cela, c'est que nous avons des conventions collectives qui nous donnent un certain confort et on ne pense pas qu'on doit faire comme les Asiatiques qui ont suivi le même modèle d'ailleurs. Et vous voyez là également, autre élément handicapant pour nous, compte tenu du renversement de valeurs qu'il y a aujourd'hui entre les pays européens et les pays asiatiques, le transfert de technologies dont je vous parlais tout à l'heure, il se fera difficilement vis-à-vis de l'Afrique, parce qu'effectivement, on n'a pas envie de faire également une concurrence à la matière. Mais, exactement, et mon rôle, effectivement, c'est de dire, effectivement, il faut qu'on fasse cet état de lieu pour pouvoir savoir comment est-ce que nous faisons. Je vous ai dit au départ, c'est une question d'adversité. Comment est-ce que nous faisons pour trouver des ressources, pour pouvoir contourner un certain nombre d'obstacles que forcément, peut-être pas avec une certaine méchanceté qu'un certain nombre d'entre nous décrit ici, mais c'est de bonne guerre. Comment est-ce que nous faisons pour contourner l'ensemble des écueils qui peuvent être pavés dans notre parcours pour le développement? Ces écueils-là, certainement, qui viennent pour la plupart des pays qui, jadis, nous ont colonisés, mais qui peuvent également être à l'intérêt de nos propres partenaires. Vous voyez très bien la guerre qu'on se livre aujourd'hui, ne serait-ce qu'en Afrique centrale, entre micro-États. C'est une guerre qui me semble totalement abjecte. Et inutile. Absolument. Merci donc à vous. Je vous adresse deux questions directes quand même. Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique, ou les dirigeants africains, parce que le développement, c'est une vision et le leadership. Est-ce que l'Afrique a manqué de vision et de leadership? Et surtout, est-ce que l'Afrique a raté son tournant révolutionnaire? Avant de répondre à votre question, M. Bongo, permettez-moi de m'indigner sur tout ce que j'ai écouté sur ce plateau, ouais, qui est d'une indécence insupportable en ce début du XXIe siècle. Si on ne connaît pas l'histoire de l'Afrique, on se tait, on ne dit pas de bêtises sur le continent africain. Ouais. L'idée de la victimisation, c'est quelle idée ça? Et il faut maintenant que sur le plateau, nous, on présente notre certificat de non-victimisation aux Blancs. Mm-hmm. C'est quelle idée ça, la victimisation? Comme montre une seule trace de victimisation dans l'histoire de l'Afrique. Il faut avancer n'importe quel mot, que connaissez un plateau. La victimisation. Montrez-moi un seul exemple dans l'histoire de la victimisation. Non, laissez-moi parce, préciser. Parce que les gens font comme si l'histoire de l'Afrique, c'est la victimisation. Alors, par le passé et aujourd'hui, ici, comme montre où est-ce qu'il y a la victimisation. Parce que les occidentaux disent ça pour dénigrer et casser les mouvements panafricanistes, que nous, on répète ça sans aucune honte, alors qu'on est sur Afrique Média. Précisément, qui est même la preuve, qui est la démonstration que nous ne sommes pas des victimes. Voici un instrument qui a été monté par les Africains, Afrique Média, qui est la meilleure chose qui est arrivée au continent africain depuis au moins 20 ans, cet instrument. C'est les Blancs qui ont aidé à monter Afrique Média. Et le travail qu'on fait ici, c'est la victimisation. Avec les résultats que nous avons, M. Bongo, je crois qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Donc, moi, je n'ai pas à présenter un certificat de non-victimisation à un Blanc ou un Africain qui reprend ça pour lui. Bon, ok, moi j'assume, moi je suis un victimaire. Vous croyez que l'esclave qui était dans la cale du bateau et qui criait, il s'est victimisé? C'est parce qu'on a perdu toute l'humanité, ou bien qu'on n'est pas à sa place, qu'on peut tenir de tels propos. Vous croyez que l'esclave qui s'est jeté dans la mer, il est en train de se victimiser? Ça, c'est de l'héroïsme, ça. Et toute l'histoire du continent africain, depuis qu'il a été envahi, c'est une histoire de résistance. C'est la résistance qui est l'idée, qui est la geste, j'ai pas dit le geste, qui est la geste majeure de notre histoire, sinon nous aurons disparu. Et je voulais rappeler ici que la première révolution contemporaine de l'histoire, c'était en Afrique, ce sont les Africains qui l'ont menée. Ça s'appelle Toussaint Louverture et Dessalines, c'était à Haïti, où ils ont effectué la première guerre révolutionnaire. Et l'ont gagné. Du temps moderne, pour la première fois dans l'histoire, l'esclave casse bataille contre le maître et le tape. Ça a été fait par les Africains. Ça s'appelait Toussaint Louverture, les Dessalines et les consorts. Là où on l'appelait Saint-Domingue à l'époque. Donc il ne faut pas travestir l'histoire de l'Afrique pour les besoins d'une cause qui est légère et indécente. Alors, moi, l'honorable Samuel Mott a essayé de tout à l'heure de se l'attraper. Lui, il a bien vu qu'il était allé loin. Il a essayé de se l'attraper. Je suis désolé pour Célestin Jamène. Je suis désolé. Si vous êtes en colère contre certains Africains, faut pas je vous ai toujours dit ça, il ne faut pas généraliser. Parce que je vous donne l'exemple. Si vous parlez de Bob Marley qui a chanté cette belle chanson que nous connaissons tous, Redemption Song, que vous avez fait, vous avez convoqué Bob Marley. Vous dites que Bob Marley était émancipé, et c'est vrai. Qui l'a tué? Lui-même. Vous avez dit lui-même? Oui. Vous dites ça, monsieur le honorable? Oui. Bob Marley s'est tué lui-même? Oui, s'est tué lui-même en faisant la drogue. Vous écoutez ça? Bon, les Africains ont écouté M. Mott. Oui, bien sûr. Celui qui a tué Bob Marley, c'est l'agent de la CIA, c'est un blanc. Il l'a dit avant sa mort. Il a dit comment il l'a tué, il l'a empoisonné. L'honorable Mott, je ne voulais pas vous... Je ne voulais pas vous... Mais celui qui a donné le cancer, c'est un agent de la CIA qui le lui a donné. Non, écoutez. Tout à l'heure, je vous dis, si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Afrique, allez étudier. Tout à l'heure, j'ai dit que vous êtes racheté. Pourquoi vous voulez encore aggraver votre situation? Vous êtes racheté vous-même. Bob Marley, qui était un Africain très émancipé et libre, a été tué. A été tué par un agent de la CIA qui a confessé à sa mort. Voici comment j'ai tué cet homme. Donc, monsieur Célestin Jamène, on peut être émancipé, on vous tue. Et nous ne devons pas à célébrer ça. Cette célébration, moi je me demande sur quel plateau je me trouve aujourd'hui. Heureusement que ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Et heureusement que je connais le fond de votre pensée vous-même. Il peut arriver que les mots débordent de notre pensée, ça arrive. Mais nous sommes en train de célébrer la force. Les humains ne célèbrent pas la force. Ce qui fait l'humanité, c'est justement se démarquer de l'animalité qui est la force. C'est dans les champs animaux où le rapport de force, c'est le rapport de force de la brutalité. Il faut que je t'attrape, je te mange. Les humains, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas la loi des humains. On ne peut pas célébrer les gens qui sont violents, qui maîtrisent la violence. Et on vient dire que non, le rapport de force n'est pas notre faveur parce que les gens sont violents. Les violents sont des démons. Et l'effort de l'humanité, justement, c'est d'en finir avec ça. Et l'Afrique se bat pour ça. Quand vous regardez le temps historique de l'Afrique, vous regardez, si on prend pour référence l'Égypte antique, vous regardez, mais le temps que nous avons subi jusqu'à présent, parlons comme ça, Célestin Jamène et Maître Mott, disons, si on prend l'esclavage arabo-musulman, 8 siècles, si on prend l'esclavage occidental, 300 ans, je crois, non, 400 ans et plus, prenons seulement ça, 800 ans, 400 ans, on est à 1200 ans, je relativise. On peut y ajouter la colonisation, 1500 ans. Ça vaut quoi dans l'histoire de l'Afrique? L'histoire de l'Afrique, c'est 1500 ans. On a 200 000 ans d'histoire africaine. Et plus, je dis, qui est connu, qui est entré dans l'histoire, dans la science, maintenant on connaît. 200 000 ans. Si vous prenez pour référence l'os de Shango, c'est une référence extraordinaire, reconnue par toutes les sciences en Afrique du monde entier. L'os de Shango, pour prendre seulement ça, c'était développé dans les régions du Grand Lac, qui démontre le niveau de mathématiques développé par les Africains. Il y a 200 000 ans, c'est un niveau universitaire. L'os de Shango, je pense seulement ce cas. Je ne reviens pas sur le lever de l'Iliaque, qui permet aux Dogons d'observer l'étoile de Sirius, vous comprenez, qui revient tous les 1360 ans, et qui suppose d'avoir déjà à l'époque des observatoires astronomiques de type très élevé, déjà à l'époque. Donc. Mais est-ce que ce n'est pas finalement alors qu'on ne contredit pas ce que vous dites? On fait de la science pour la science. Président Balakani. Qu'est-ce qui est contradictoire? Je veux démontrer simplement que ce cycle de déclin, parlons comme ça, de déclin, qui tourne autour de 2000 ans pour l'instant, 2500 ans de déclin, parlons comme va ça, passer. Dans notre rapport avec les pays arabes et peut-être l'Occident, ça vaut quoi durant toute cette histoire que je suis en train de vous citer, ce long temps historique de près de 300 000 ans où on est au sommet de la civilisation? Je comprends bien. Attends, non, c'est pour dire quoi? Non, la thématique, c'est... Qu'est-ce que j'avais d'abord démontré? Écoutez, ce qui a primé sur ce plateau, c'est que nous sommes des victimes. Ça te demande que pendant plus de 300 000 ans, on n'a jamais été victime. Et pendant le temps où nous avons affaire à l'Occident et aux pays arabes, on n'est pas victime. C'est la résistance. Et c'est l'histoire des grands résistants. Il me semble quand même que quand on fait l'analyse d'une histoire comme celle-ci, on ne privilégie pas la traîtrise. On privilégie la résistance. C'est ça qui... Si on est sérieux, pourquoi on prend la traîtrise pour justifier la colonisation? C'est pas normal. C'est ça que je dénonce. D'accord. Et je ne reviens pas sur d'autres choses. Quand Samuel Molonorabe dit qu'il faut travailler plus pour attraper le rythme des autres, je suis d'accord avec lui. Maintenant, quand vous travaillez plus, donnez-vous les moyens de garder votre richesse. Si vous travaillez plus, c'est comme pire la richesse. Ça sert à quoi de travailler plus? Ça sert à rien. Est-ce que l'honorable me dit comment on garantit la richesse sans passer par les combats panafricanistes? Rude. Et ce n'est pas la victimisation. C'est pas la victimisation quand on fait ça. Il a parlé des maisons précaires. Tellement il fait beau chez nous qu'on préfère les maisons précaires. Mais c'est pas vrai. Non, on s'accommodait des maisons précaires. Non, c'est pas vrai, honorable. C'est pas vrai. Regardez, si vous regardez l'histoire architecturale de l'Afrique, c'est faux. Nous sommes les premiers à avoir construit des maisons à étage. Et toute l'architecture moderne actuelle, et c'est démontré, n'est que la reproduction du génie architectural africain. C'est un fait. Les architectes américains le démontrent, le disent. C'est un fait. Allez voir les bateaux que nous fabriquons déjà à l'époque. Allez voir les bateaux. Vous allez voir. Donc, il arrive dans l'histoire des peuples qu'on connaît ce cycle descendant. Mais il ne revient pas aux enfants dignes d'un continent, comme ce Saint-Germain qui est une digne fille de l'esprit, comme être mode de célébrer ce moment obscur de notre histoire, indigne de notre histoire, en justifiant ce qui nous est arrivé. Non, mais je crois que tu nous as mal compris. Non, je vous ai bien compris, parce que vous avez célébré ça. Hein? Quand vous dites, maître, quand vous dites ceci, vous dites que il y a 60 ans, nous ne sommes plus commandés par quiconque. Ce n'est pas vrai. Juste en 80, on menait des guerres de libération en Afrique. 80. Le Zimbabwe a été libéré quand? Lancaster a été libéré quand? La porte était finie quand? Ce sont des faits historiques. Si on explique les faits historiques, moi je me tais. Je ne parle plus. Non, allez-y. Ce sont des faits historiques. Donc pour dire que moi je ne célèbre pas ce genre de choses. Je ne célèbre pas ça, mon cher Mbungu. Donc, la situation de l'Afrique n'est pas comparable à celle de l'Asie. Je vois, on parle de la Chine. Mais vous voulez qu'on parle de la Chine? L'histoire de la Chine, ce sont les successions des cycles du capitalisme. La Chine, si on met de côté la révolution communiste incarnée par Mao Tse-Tung, jusqu'à la mort de Mao, la Chine était un pays pauvre. Vous le savez, non? C'était un pays pauvre. Qu'est-ce qui fait lever la Chine? C'est parce qu'il y a un deal entre l'élite chinoise post-Mao et le capitalisme occidental. Deng Xiaoping. Merci. Occidental, où on fait de la Chine l'atelier du monde. Ben voilà. Écoutez bien, mais l'Afrique n'a pas encore ce privilège. Mais on ne sait pas la voir. Non, vous avez dit que c'est vous qui magnifiez le génie chinois pour justifier que l'Afrique, nous, on se victimise. Moi, je vous démontre que je reconnais que les Chinois ont fait des efforts, c'est évident. Il y a la révolution communiste, mais je vous dis que ce n'est même pas la révolution communiste qui a rendu la Chine riche. Parce que des hommes peuvent dire, si le chat est gris ou noir, pourvu que la table a souri. Autrement dit, introduisons chez nous le capitalisme. Ah ouais. Ça, c'est un deal non dit ouvertement qui entre le capitalisme dans son cycle d'expansion. En ce moment-là, qui fait qu'il y a un consensus que la Chine devient la télé du monde. Et tout le monde investit en Chine. La preuve, dès que la Chine maintenant dit, OK, non seulement je ne suis plus un atelier, je vais devenir la première puissance mondiale, que vos occidentaux, ils déclarent la guerre à la Chine. C'est là où on est aujourd'hui. La guerre, on dit que la guerre à la Chine. C'est le stade actuel. Et c'est clair. Et l'avenir nous dira, nous démontrera. C'est maintenant qu'on va voir si la Chine va résister à cette guerre qu'on lui a déclarée. Ce cycle est en train de se déplacer pour aller en Inde. Le sous-continent indien. Et le Brexit britannique s'explique. La City, le Brexit, c'est en grande partie la City qui dit, OK, les capitaux, on va en Inde avec ça. Vous comprenez? Et vous ne comprenez pas ça si vous ne connaissez pas la géopolitique de l'Asie. Où pendant très longtemps, les banquiers mondiaux arrivaient à un certain niveau. Lorsqu'il a fallu signer les accords de Bretton Woods pour que la Banque des règlements internationaux émerge, tout le monde connaît, celui qui fait des recherches profondes, connaît ce qui s'est passé et qui a justifié qu'à un moment donné, on fasse du Japon un pont occidental en Asie pour contrecarrer la Chine. Et on a vu comment on a organisé ça. Monsieur, ça a été organisé. Je ne nie pas le génie du pont. Mais qui peut nier ce qui s'est passé? L'affaire du Japon. Il en est de même des dragons. Quand on me parle de l'Amérique latine, est-ce qu'il y a le développement en Amérique latine? Non, Célestin Diamen. L'Amérique latine n'est pas développée. L'Amérique latine se bat contre l'impérialisme américain. C'est le combat de Evo Morales, de Hugo Chavez, de tous ces gens qui refusent l'impérialisme américain. Ils ne sont pas sortis de l'auberge. Au contraire, nous sommes même des jumeaux avec les Sud-Américains aujourd'hui. Oui, nous sommes des jumeaux. Oui, d'où ma question. Est-ce que l'Afrique a donc raté son tournant révolutionnaire? Bon. On peut dire que nous avons raté la décolonisation, oui. Mais ce n'était pas de notre faute fondamentalement. On avait affaire à des gens très violents. Oui. Maintenant, si nous décidons que, OK, il faut aussi qu'on soit violent, je n'ai rien contre, c'est un choix. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on recolonise l'Europe, qu'on recolonise même les États-Unis. C'est un rapport de violence. Est-ce que l'humanité peut vivre comme ça? Ça n'en vaut pas la peine parce que ceux qui nous disent qu'on se victimise, et qui raconte du n'importe quoi, je sais bien que c'est une théorie qui circule. Saint-Germain n'est pas quelqu'un qui partage cette théorie. Je travaille avec toi depuis longtemps. Je vais dire, tes mots ont peut-être volé ta pensée. Mais ceux qui parlent cette théorie victimaire, ceux qui le disent. Il est sur le plateau, il va s'en expliquer. On va débattre. Oui. Moi, il faut le débat. Oui, on débat. On est là pour voilà. Ça, président. Ceux qui parlent, ceux qui. Le discours de l'idéologie victimaire est développé par des Africains qui sont des agents de l'Occident. Quand ils le disent, allez voir comment ils vivent, ceux qui le disent. Ceux qui le disent, qui tiennent ce discours. Allez voir comment ils vivent. Soit allez voir leur vie. Ils sont pris en charge par l'Occident. S'ils ont des marchés, que le nom de l'Occident, d'autres sont des agents des services secrets ouvertement, c'est eux qui racontent ce genre de choses, qu'on se victimise. Mais ça n'a aucun fondement, l'idéologie victimaire. Mais comment, de quoi est-ce qu'on parle? Les Français se victimisaient quand ils pleuraient, quand ils les marchaient sur eux. C'était la victimisation. Qui a appelé ça victimisation? Qui a osé appeler ça victimisation? Quand les Américains sont levés contre les colons, leurs cousins colons anglais, ouais. Qui a appelé ça victimisation? On a appelé ça mouvement révolutionnaire. Mais quand le panafricanisme s'élève, ouais. Et pose des actes concrets. Nous, on dénonce. Non seulement on dénonce, mais on montre des instruments de libération qui produisent des résultats. Vous comprenez? Avec ces Saint-Germain. Donc, on montre ces travaux-là. Quand nous, on fait ça, on dit non, ils victimisent. Parce qu'ils ont peur. Vous voyez, j'ai terminé. Ils ont peur. Oui, terminé. C'est la même chose qu'il y a avec. Vous en faites pas, vous aurez. Ils ont parlé. Non, allez-y, président. Allez-y. Allez-y. C'est comme l'idéologie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du complot. Ouais. Dès que vous tenez un discours qui va contre Rothschild et tous les brigands internationaux qui veulent détruire le monde, on dit que vous êtes un complotiste. Et les gens se battent nuit et jour pour éviter qu'on les traite comme ça. Il y a une censure terrible sur Facebook, YouTube. Personne n'en parle. Ça aurait été les pays africains. L'autocensure? La censure officielle. D'accord. Les gens font ça. Des sites interdits. Vous dites un discours contre Biden à l'heure actuelle. Contre tout ça. C'est censuré sur Facebook. Ouais. Mais Maître il le sait très bien. Il le sait très bien. Pourquoi on fait tout ça? Donc, nous, maintenant, on va se justifier tout le jour. Non, je ne suis pas complotiste. C'est facile. C'est la même chose, mon cher Bongo. Ouais. L'idée du sous-développement renvoie à l'idée que Avant la colonisation, l'Afrique avait atteint un niveau de développement très avancé par rapport à l'Europe. C'est connu. C'est connu, c'est démontré. Donc, non, c'est connu, honorable, c'est connu. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les travaux scientifiques faits par les Européens le démontrent. Donc, on dit que nous sommes développés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la parenthèse. Si on prend la colonisation, il y a eu un arrêt brutal par la violence, parce que des gens sont venus nous trouver. Est-ce un crime de ne pas être violent? Est-ce un crime de ne pas avoir pour civilisation la violence, y compris contre le ciel et la terre? Est-ce un crime? C'est pas un crime. Ceux qui sont venus parce qu'ils sont violents, ils nous ont colonisés, ils ont stoppé ce développement. Et ça se connaît. Ils ont stoppé, en séquence, là, c'est arrêté. Ils ont stoppé ce développement et nous avons lancé des combats de résistance. Et globalement, on s'en sort très bien, M. Bongo. On s'en sort très bien. Il n'y a pas à rougir par rapport à ça. Vraiment, il n'y a pas à rougir. Par contre, là où je comprends ce qui est dit ici, c'est quoi? C'est qu'on peut dire ça, le comportement des élites africaines. Et nous sommes les élites africaines. Nous, ici, ce plateau, voilà l'élite africaine, le monde entier nous bien voit. Sûr, bien sûr. Oui, voilà notre comportement. C'est-à-dire le comportement des élites africaines. Comment expliquez-vous? Parce qu'il faut parler de l'actualité de la colonisation, de la recolonisation. Et c'est d'autant plus important que, alors nous parlons, les pays hier qui nous ont colonisés, ils disent quoi aujourd'hui? Qui sont victimes d'un danger de colonisation par la Chine? Vous l'écoutez pas ça tous les jours? Jaune. Ah, merci, monsieur Bongo. C'est aussi la victimisation dont l'Europe victimise actuellement. Mais osez le dire, franchissez-le pas. Parce que quand c'est l'Afrique qu'on se victimise, voilà l'Europe qui crie maintenant qu'il y a un danger chinois. Et il y a des théories en Europe qui reviennent tellement et le disent. Zemmour le dit, Henri Lévy le dit, Attali le dit, qu'il faut un nouvel empire blanc, occidental, basé sur l'Afrique pour affronter la Chine. Ces mots sont dit en plein jour. Quand on voit la puissance des mouvements souverainistes en Europe, quand vous écoutez aujourd'hui en France, on vous dit fraisiste. Le débat aujourd'hui en France, c'est quoi? On quitte l'Europe. Pourquoi ils font ça? Eux aussi, ils victimisent. La montée des nationalistes. Très bien, ils victimisent. Ils disent justement qu'on est en danger de colonisation par la Chine. C'est ce qu'ils disent. Donc vraiment, à partir de là, il faut qu'on relativise ce qu'on est en train de dire. Qui victimise et qui ne le fait pas? Vous comprenez? Donc, l'Afrique a subi quelque chose de terrible. Ceux qui l'ont fait, eux-mêmes, ont dit que c'est un crime contre l'humanité. De grâce. Ne faisons pas de révisionnisme. Ils ont dit que l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. C'était un loi votée en France. Même comme il n'y a pas de coupable pour l'instant. D'accord. Ils ont dit que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Mais pourquoi les Africains nous ont fait du révisionnisme? C'est eux-mêmes qui l'ont fait. reconnaissent que ce sont des crimes. Pourquoi nous, on vient réviser ce qu'ils ont connu eux-mêmes? Vous comprenez? Donc moi, je suis en disant ceci. Les élites africaines, les élites actuelles africaines, qui sont pour la plupart fabriquées par l'Occident, et c'est vrai pour toutes catégories confondues, dans les milieux de l'opposition, c'est même encore plus pire actuellement, dans les milieux du pouvoir, dans les milieux religieux, on a vu le comportement des catholiques africains avec ce qui s'est passé avec ce que vous appelez pape. On l'a bien vu. Quand c'est le président africain, les Africains peuvent les tuer. Mais quand c'est le pape, ils disent que prions pour le pape. Parce qu'ils disent que non, prions. Et quand ils disent non, prions pour le pape, vraiment, il faut que Dieu le soutienne. Quand c'est le président africain, il faut les lapider, il faut les tuer. Il faut les tuer. Donc on voit tout ça. Qui peut expliquer pourquoi alors nous parlons? Aucune élite africaine. Les mouvements politiques africains ne valorisent pas le fait que l'Afrique a vaincu le Covid. Pourtant, c'est l'événement là. Pourquoi personne n'en parle? Ça ne vous dit rien? Alors que la guerre des vaccins commence, on est dans le vacciné. Les élites se taisent, religieux, tout le monde, personne ne valorise ça. Personne. On voit bien que l'Europe est en train de se confiner. C'est la faute à qui? Mais parce que justement, donc, ce n'est pas l'Afrique, ce sont ces élites là. Et nous, on parle. L'élite africaine? Oui. Mais vous n'avez pas, pas confondre ça avec nous qui parlons. Parce que quand nous parlons, on dit qu'on se victimise. Quand nous on dénonce, on dit qu'on se victimise. Quand nous, je vous dis qu'actuellement, là, l'événement de ce début de siècle, c'est la victoire de l'Afrique sur le Covid. Alors qu'on nous a dit qu'on est mort, on est fini. Que c'était les capotes de la catombe. Et on l'a fait sans vaccin. Sans des remèdes spectaculaires. Mais voilà les gens qui sont en train de patauger dans le confinement, le deuxième confinement. Ils patauchent avec la deuxième vague. Mais voilà l'Afrique qui n'a aucun problème. Mais on vient de vacciner. Parce que des voix politiques fortes n'existent pratiquement plus. Au niveau de l'élite, au niveau de la classe donc, politique. Le leadership politique. Bien sûr. C'est la question que je vous avez raison, monsieur. Merci. Merci.